السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، la semaine passée nous avons mentionné certains effets dévastateurs et délétères des péchés et des obéissances commises. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonner, nous préserver et nous accorder la réussite. Parmi les effets des péchés, comme nous le mentionne Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dans son noble livre Adda ou Waddawa, la maladie et le remède, أن المعاصي أو من عقوبتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه وجيش يقويه به على حربه. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que parmi les effets dévastateurs des péchés, le fait que ce soit un renfort et une aide que tu accordes et donne à tes propres ennemis. Lorsque tu commets des péchés, c'est comme si tu renforçais l'armée de ton propre ennemi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, mais qu'il a également créé Iblis, et qu'il nous dit de lui, « Inna shaytana lakum adu, fattakhiduhu aduwa » Ou vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du shaitan. Certes, le diable est un ennemi pour vous. Prenez-le donc comme tel. Considérez-le donc comme tel. Aussi, il y a Al-Qarin. Il y a le diable qui accompagne le fils de Adam et ne se sépare pas de lui. C'est une épreuve, c'est une tentation. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que les démons nous voient d'où nous ne les voyons pas. Lorsque nous sortons de chez nous, les shayatines sont aux portes et ils attendent pour nous égarer. Si la personne sort et dit Bismillah, Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, à ce moment-là, on lui dit Kufita wa wuqit. Tu as été préservé, tu as été protégé, et tu obtiendras la suffisance. Donc, nous avons des ennemis qui complotent et usent de divers stratagèmes pour nous nuire et nous amener à notre perte. Et c'est un combat déclaré entre toi et ton ennemi. Comment oserais-tu faire cette bêtise de donner des armes, de vendre des armes à ton ennemi qui les utilisera contre toi, ou lui envoyer du renfort, ou lui envoyer du renfort? Ben les shayatines nous guettent et tentent de nous faire tomber dans leur filet. Et c'est comme si le shaitan disait à ses disciples, voici la descendance de Adam, mon ennemi déclaré. Et Iblis ne s'est pas prosterné devant Adam. Il a donc été viré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et maudit à jamais. Donc, Ils veulent se venger, ils ne veulent pas pour nous le paradis. Ils ne veulent pas pour nous le paradis, ils veulent pour nous l'enfer, et qu'on soit avec lui le combustible du feu. Et cette humiliation et cette malédiction, Shaitan voit que c'est à cause de Adam qu'il a jalousé, qu'il a envié. Donc, ses disciples vont déployer tous leurs efforts pour qu'on soit associé à lui dans ce malheur. Allah Azza wa Jal, par miséricorde envers nous ordonne d'être sur nos gardes. et nous révèle ce avec quoi on va pouvoir se prémunir et se protéger. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Donc on revient vers Allah Azza wa Jal, le Seigneur des gens, et c'est auprès de lui qu'on cherche la protection contre un mal à venir. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les croyants et leur a accordé ce avec quoi ils vont pouvoir se prémunir. Mais si le croyant s'éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala et rentre dans les péchés, à ce moment-là, il perd de cette protection et il renforce ses ennemis et devient une proie facile. Iyadhan billah. Allah Azza wa Jal nous a accordé deux anges avec nous, un devant, un derrière, pour nous préserver de ce qui ne nous a pas été décrété. Et ça, c'est autre que les deux anges qui notent, les deux scribes qui notent les bonnes et les mauvaises œuvres. Dans Sourate Ar-Ra'd, le verset 11, Allah Azza wa Jal nous dit: لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. L'homme a devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. Par l'ordre d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient l'argumentation totale. Lillahi l'hujjatul baligha. Nous n'avons aucune excuse. Allah nous a tout donné pour nous préserver, pour qu'on soit guidé. Mais celui qui rentre dans le domaine des péchés, à ce moment-là, il abandonne son armure, il s'éloigne de sa protection et il renforce ses ennemis contre sa propre personne. Wal'iyadu billah. Tant qu'il est dans la piété et l'obéissance, il est dans le parti d'Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Ils sont le parti d'Allah. Et certes, le parti d'Allah sont ceux où est celui qui obtient la réussite. Naam. Celui qui Allah Azza wa Jalla avec lui, il a avec lui celui qui est imbattable. Il a avec lui celui qui est imbattable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'endurance. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Donc on doit être vigilant, on doit être endurant et on doit se prémunir de nos ennemis et à leur tête al-shaytan. À leur tête Al-Shaytan, qui est notre ennemi déclaré. Et la chose la plus dangereuse lors de la rencontre avec l'ennemi est de laisser une brèche. Est de laisser une brèche par laquelle le diable va pouvoir entrer, lui et Mada et son armée. Lui et son armée. C'est pour cela qu'il faut monter la garde devant des choses qui, si nous les laissons sans garde, l'ennemi passera par là et ça causera notre perte. Et parmi les choses les plus importantes devant lesquelles nous devons monter la garde pour ne pas renforcer notre ennemi contre notre propre personne, il y a la vue, les yeux, il y a l'ouïe, les oreilles, il y a la langue. On doit monter la garde et ne pas laisser Shaytan utiliser ses sens pour causer notre perte. Pour causer notre perte. Ne négligez donc pas cette brèche. Ne négligez donc pas cette brèche. Car les shayatines, eux, ne la négligent pas. Ils font tout pour les détruire. Ils font tout pour passer par là, afin qu'on soit distrait de ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, de ce vers quoi Allah azza wa jal nous a orientés. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: Donc, les shayatines vont tenter de prendre possession de notre vue. Ils vont tenter d'utiliser notre vue afin qu'on la pose non plus sur la méditation des signes d'Allah, non plus dans la lecture du Coran et l'apprentissage de ce qui nous est profitable, mais plutôt dans les choses futiles. Puis, les choses illicites. Les choses illicites. Ça brûlera la vue. Ça lui nuira. Ça l'affectera, ça la détruira. Et par la suite, il n'aura plus qu'une vue de futilité, de distraction et d'insouciance. Pire encore, sa vue lui enjolivera, lui embellira, les passions, les péchés, jusqu'au point d'être accroché à son cœur. Car certes, la vue est la porte du cœur. Et si le cœur est saint, tout le reste du corps le sera. Et si le cœur est corrompu, tout le reste du corps le sera. Il faut donc fermer cette porte au diable. Il faut donc fermer cette porte au diable et monter strictement la garde devant ce trésor qu'est la vue. Car si le regard se pose sur une image et que le cœur s'y attache, une image illicite, et que le cœur s'y attache, alors il s'en faudra de peu pour que tu sois assiégé à cause de cette brèche. À cause de cette brèche. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à cette époque, avec tous les réseaux sociaux et les différents modes de communication et les publicités et autres, les gens sont agressés dans leur vue. Les gens sont agressés dans leur vue. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et certains sont poussés par des égarés égareurs qui développent toutes sortes de sites et toutes sortes de comptes où on y voit tout le mal. À qui sera le plus dépravé et aura le plus de vues? À qui sera le plus bas et qui aura le moins de pudeur pour avoir le plus de vues? Wal'iyadhu billah. Et ça vient progressivement. Certaines personnes affichent un semblant de pudeur ou d'islam. Puis, pour percer dans ce monde satanique, ils s'éloignent de leurs principes, de leurs soi-disant anciens principes, et entrent dans la sphère satanique que sont ces réseaux. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La deuxième brèche, c'est lui ce qu'on va entendre. Al-Shaytan et son armée vont tenter de dominer ce point stratégique. Ils vont tenter de faire en sorte que le faux y entre et que le vrai n'y entre pas. Ça, c'est son but primaire et principal. Ses disciples font tout pour trouver les paroles les plus mielleuses, corrompues, afin qu'elles entrent dans l'oreille du fils de Adam. Au même moment, ils font tout pour l'empêcher d'écouter la vérité. Ils font tout pour l'empêcher d'écouter la vérité. Ça se résume donc en deux points. Premièrement, écouter le faux. Deuxièmement, l'empêcher d'écouter le vrai. L'empêcher d'écouter la vérité. Et à force, cette personne-là ne recommandera plus le convenable et ne blâmera plus le mal. Ça sera semblable à de la sorcellerie ce qui lui parviendra. Tout mal qui lui parviendra, il y prêtera attention et tendra l'oreille. Et toute bonne parole lui paraîtra lourde. Il dira « Je n'ai pas le temps, je suis occupé. » Mais lorsqu'on l'appellera à écouter du haram, à écouter de la médisance, à écouter de la calomnie, à écouter des mauvaises paroles, à ce moment-là, il pourra donner des heures et des heures de sa vie, de son temps, dans ce faux qui a été enjolivé et embelli par son ennemi déclaré, Shaytan. Donc on lui embellit, bien évidemment, le mal. Quant à la parole des conseillers, quant à la parole des véridiques, quant à la parole des gens de science, on la lui alourdit. On l'empêche de la méditer. On l'empêche de chercher à la comprendre. Et on lui fait voir comme une mauvaise parole qui va se mettre entre lui et ses plaisirs. Alors qu'en réalité, elle se met entre lui et ses passions qui l'anéantiront, wal'iyadu billah. Ainsi, on va faire en sorte qu'il se préoccupe de ce qui ne lui est pas utile et bénéfique et qu'il se détourne de ce qui lui est utile et bénéfique. Et comme vous l'aurez compris, ça amènera la destruction de son cœur, tôt ou tard. Le mal lui embellit et la vérité lui est alourdie et lui est mise sous la forme qu'il déteste le plus. Ces shayatines, parmi les humains et parmi les djinns, l'appellent au mal et lui interdisent le convenable. Au début, il éprouve de la gêne. Il tente de se préserver, mais comme il ne monte pas la garde, il finit par s'habituer au haram. Et comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-An'am, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Ainsi, nous avons attribué à chaque prophète un ennemi, des démons d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres les belles paroles. Les belles paroles. زخرف القول غرورا. Des belles paroles trompeuses. C'est le faux, c'est le batil, mais on a appelé cela les belles paroles parce que Shaytan l'embellit autant qu'il le peut pour que on lui tende l'oreille pour qu'il puisse enfin nous tromper. Donc cette brèche, quelle oreille, quel ouïe, on doit vraiment monter la garde. Le troisième point, c'est la langue. Et qui te dira ce qu'est la langue? Tu dois monter la garde. Parce que les shayatines se lancent en direction de cette langue parce que c'est la plus grande brèche. Et c'est celle qui, si elle est vaincue, alors l'accès au trône est presque garanti. Les shayatines vont tenter deux choses en passant par cette brèche, cette ouverture. La première, te faire dire, te faire prononcer ce qui va te nuire dans ton bas monde, et dans ton au-delà. des paroles futiles, peut-être tu ne leur prêtes aucune importance, mais il se peut, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne soit propulsée ou jetée en enfer dans l'espace plus large que l'Est et l'Ouest. Donc ils vont tenter de nous faire prononcer des paroles où il y a le mal, des paroles où il y a notre nuisance dans ce bas monde et l'au-delà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ou en simultané, nous empêcher de dire le bien, la mention d'Allah, le rappel d'Allah, et les paroles douces et agréables. Non, ils vont te montrer que ça, c'est mal. Alors tu vas retenir ta langue lorsqu'il était bon de parler. Et tu vas parler lorsqu'il était bon de retenir ta langue. Tu ne vas pas faire l'istighfar, tu ne vas pas lire le Coran, tu ne vas pas appeler au bien, tu ne vas pas présenter des excuses, tu ne vas pas lier les liens et ainsi de suite. Non, tu ne vas pas dire la vérité, tu vas retenir ta langue en prétextant toutes sortes d'excuses insufflées par ton ennemi déclaré Ash-Shaytan. Ash-Shaytan dit à ses disciples, faites-leur dire le faux. Faites-leur dire le faux jusqu'à ce qu'ils deviennent pour nous des alliés. La deuxième chose, faites-les se taire devant, yani sur la vérité. C'est-à-dire, ni il va dire la vérité, ni il va retenir sa langue de dire le faux. Et certes, comme il fut dit, celui qui se tait sur la vérité face au faux, et un diable muet. Et un diable muet. Celui qui parle, de par le faux, c'est un démon parlant. Quant à celui qui se tait sur la vérité, c'est un démon muet. C'est un démon muet. Wallahu al-musta'an. Donc on fait attention à ces deux points. On fait attention à ces deux points. Il faut surveiller cette brèche vraiment d'une manière minutieuse. Et comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-ce que les gens tomberont sur leur visage dans le feu de l'enfer, si ce n'est à cause de ce que leurs langues ont amassé? Qu'est-ce qui cause plus la perte du fils de Adam que sa langue? Ne vous rappelez-vous pas le hadith du prophète alayhi salatu wa salam qu'il a vu la plupart des habitants de l'enfer étant des femmes? Quelle fut leur réaction? Est-ce que c'est la réaction des contemporaines? Elles ont eu peur. Pourquoi au message d'Allah? Il a dit tukthirna la'na, car les défauts de la langue, wa takthurna al-ashir, et l'ingratitude envers l'époux. Ça s'est soldé par quoi? Elles ont donné des aumônes, elles ont donné leur or, elles ont donné leur argent pour s'affranchir de l'enfer. Ash-Shaytan se met sur tous nos chemins et essaye de nous égarer. Dans Sourate Al-A'raf, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Puisque tu m'as égaré, dit Shaytan, je leur barrerai la route vers ton droit chemin. Puis je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ne voyez-vous pas qu'ils nous attaquent de toutes parts? Il fait tout pour qu'on s'éloigne. Il essaie d'abord de nous faire sortir de l'islam. S'il n'arrive pas, il essaie de nous faire sortir de la sunna vers l'innovation. Puis il essaie de nous faire tomber dans les grands péchés. Et ainsi de suite. Il ne laisse pas une voie sans l'emprunter. Lorsque tu veux faire une sadaqa, il vient à toi pour que tu aies peur de la pauvreté. Ou de laisser tes enfants pauvres. Et ainsi de suite. Donc il nous empêche de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Lorsque la personne veut embrasser l'islam, un shaitan se met sur son chemin. Vas-tu te convertir à l'islam et abandonner la religion de tes ancêtres? Lorsqu'il veut faire l'égir, la hijra, tu vas délaisser ta terre. Tu vas laisser ce ciel. Et ainsi de suite. Il se met sur notre chemin, sur tout chemin. C'est pour cela que dans maintes et maintes adorations, tu cherches refuge auprès d'Allah contre Shaitan. Quand tu entres à la mosquée, quand tu sors de la mosquée, quand tu sors de chez toi, à la recherche de la subsistance ou d'une adoration. Wallahu al-musta'an. Il ne s'arrête pas à là, mais il se met aussi sur le chemin du haram pour nous l'embellir, pour qu'on le fasse, par la vue, par l'ouïe comme on l'a vu, et par la langue, jusqu'à embellir cela dans le cœur du fils de Adam. Et parmi ses meilleures armes, la dunya et l'image des femmes. Il utilise deux grandes armes, l'insouciance et les désirs. L'insouciance et les désirs. Le fils de Adam, s'il préserve son cœur, il sera dans une forteresse. Mais comme il laisse ses brèches, la vue, l'ouïe, la langue, ça donne une vue sur son cœur et c'est là qu'il commence à être faible. C'est là où il commence à être faible et c'est là où il laisse place à ses ennemis dans son royaume. Donc, ils utilisent des armes. Ils utilisent des armes. L'insouciance, elle rafla. Lorsque la personne est insouciante, il n'a plus d'objectif. Quand l'homme n'a plus d'objectif, il est faible. Il n'a plus de détermination. Il n'a plus de motivation. Il n'a plus de stratégie. Il n'a plus de force. Il ne sait pas où il va, ni comment. Donc, l'insouciance. L'insouciance, il ne travaille plus, il n'agit plus, il ne se bat plus. Et Shaitan met dans son cœur qu'il n'y a plus d'espoir et que nous sommes à une époque où il n'y a plus de bien et ce genre de discours de faible, ce genre de discours de faible, wallahu musta'an. La deuxième arme, l'armée même, c'est l'armée du désir. On embellit dans le cœur du fils de Adam les désirs et les plaisirs. Alors qu'il est déjà tombé dans l'insouciance, bien qu'Allah lui ait dit « Wala takun min al-ghafili » ne soit pas du nombre des insouciants. Comment ne plus être du nombre des insouciants? En se rappelant d'Allah, en faisant du dhikr, en préservant ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné, en ayant de bonnes fréquentations, en ouvrant le Coran, en ne laissant pas le mal s'installer dans les foyers, dans notre entourage. Et l'arme destructrice, c'est les passions, les désirs. En plus de cette insouciance. En plus de cette insouciance. On lui ordonne les péchés. On lui interdit les bonnes œuvres. On lui embellit les passions. Et là, si Allah Azza wa Jal ne sauve pas son serviteur, il sera sans aucun doute anéanti. En plus des shayatines qu'il excite dans le haram, dans le mal. Alors ils vont tenter d'introduire auprès de lui tout le mal. Particulièrement la fréquentation des femmes dans le haram, la consommation de l'alcool et des drogues. car s'il ne se maîtrise plus, il sera un outil et un pantin dans la main du diable et il pourra le diriger où bon lui semblera. Il y a aussi l'arme de la colère. Et Shaitan utilise aussi l'arme de la colère pour remplir de haine le cœur du faible et ainsi l'empêcher d'aller vers l'autre pour faire le bien, l'empêcher de s'éloigner de l'autre pour se préserver de son mal, et ainsi de suite. Avec le désir, le diable a touché notre père Adam, alayhi salam. Avec la colère, il a touché le fils de Adam qui a assassiné son frère. La colère et le désir font partie des plus grandes armes du shaitan. Combien ont assassiné? Combien ont divorcé? Combien ont fait couler le sang? Combien ont coupé les liens de parenté? Combien ont détruit des familles de l'intérieur? Combien ont fait s'égarer des enfants, des descendants? À cause d'une seule chose, d'un coup de pioche au-dessus de l'édifice, la colère. La colère est le fait de se soumettre à ses émotions et de ne pas les peser sur le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète alayhi salat wa salam. Or, le prophète alayhi salat wa salam nous a tout enseigné. Tu retiens ta langue, tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », puis tu dis le bien et te voilà apaisé. Tu fais le wudu, tu fais salat et tu ne laisses pas la situation s'aggraver. À l'image des faibles. Donc, on retient que les péchés, les désobéissances sont des armes que l'homme offre à ses ennemis avec lesquels il les aide contre sa propre personne. Et comme il fut dit, ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. Les ennemis ne peuvent causer autant de tort à l'ignorant que l'ignorant ne s'en cause à lui-même. Comment est-ce que l'homme, et nous on s'étonne de voir que l'homme court à sa propre perte avec ses propres mains. Il s'avilit, il se rabaisse lui-même. Alors qu'Allah Azza wa Jalla a voulu pour lui la noblesse, alors qu'Allah l'a anobli de par la raison. Certains prétendent anoblir leur âme alors qu'ils l'avilissent. Comment? Parce qu'ils ne s'acquittent pas des droits de cette âme-là, l'affranchir du feu de l'enfer. Wallahu al-musta'an. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous mentionne que parmi les effets les plus dévastateurs des péchés, le fait que les péchés amènent à s'oublier soi-même. Celui qui fait des péchés en arrivera à oublier sa propre personne, aussi étonnant que ce soit. El ma'asi min uqubatiha anna tunsi al abdu nafsa. فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. Et dès lors qu'il oublie sa propre âme, sa propre personne, que fera-t-il? Il la négligera. Il l'oubliera. Il va la corrompre. Il l'anéantira au final. Et il se peut qu'une personne dise, mais comment est-ce qu'il peut oublier sa propre personne? Il se peut que l'un d'entre nous se dise, comment peut-il oublier sa propre personne? La réponse, il oublie de faire ce qui lui est utile et profitable. Il oublie de faire ce qui lui est utile et bénéfique. Il oublie d'affranchir son âme du feu de l'enfer. Il oublie d'agir ce pour quoi Allah l'a créé, adorer Allah seul d'un culte sincère, obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Sourate al-Hashr, un verset effrayant. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَمْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Oulaïka humul fasiqun. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Voici les pervers. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Ils ont oublié de faire ce pourquoi Allah les a créés. Ils ont oublié de mentionner Allah, de se rappeler d'Allah pour délaisser les péchés, de se rappeler d'Allah pour faire les bonnes œuvres. Allah Azza wa Jal les a rétribués en fonction de ce qu'ils ont fait. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Allah nous dit dans le Coran, Nasullaha fanasiyahum, dans Surat al-Tawbah. Ils ont oublié Allah. Voilà. Ou plutôt, c'est pourquoi il les a oubliés, dans le sens il les a délaissés. Volontairement. C'est pas l'oubli dû à l'imperfection de la science. Non, c'est l'oubli avec sagesse, avec pleine capacité et volonté. Al-Nisyan bima'na tarkuna. Allah Azza wa Jal les a délaissés, les a abandonnés parce qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah Azza wa Jal leur inflige deux châtiments. Le premier, Allah abandonne ce serviteur et le délaisse. C'est le sens ici de l'oubli. Le deuxième, il lui fait oublier sa propre personne. Que pensez-vous de l'homme qu'Allah Azza wa Jal a abandonné? Wallahi l'azim, il se retrouve dans une situation plus gravissime et dommageable que celui dont la mère abandonne à sa naissance, celui dont le père abandonne à sa naissance. On l'abandonne, on le délaisse. Les shayatines le voient comme une proie à leur merci, plus encore que le bout de chair entouré de vautours. Il court vers une perte assurée. Ainsi, il oublie de faire ce qui est bon pour lui. Il oublie de faire les causes de la réussite. Il oublie de s'éloigner des causes de la destruction, des causes de l'entrée en enfer. Et vous savez le pire dans ça, c'est qu'il va commencer à oublier ses propres défauts. Il va commencer à oublier qu'il est rempli de défauts. Ça ne lui traversera même pas l'esprit de se corriger. Et lorsqu'il entendra un rappel, tout le monde lui viendra dans la tête, en tête si ce n'est sa propre personne. Ça lui fera penser à tout le monde sauf à lui. Et il se mettra à critiquer les autres. Et il ne se verra pas. Il verra la brindille sur l'autre, dans le regard de l'autre, mais il ne verra pas le tronc d'arbre. Na'am, sur sa personne. Quant à celui qui est guidé vers la voie droite, il se concentre sur lui-même. Il se concentre sur lui-même et s'il voit le défaut d'un autre, ça n'a pas été volontaire. Il le contacte, il cherche à le rencontrer, il le conseille pour l'aider à s'en défaire. Et il ne fait pas de cela la table de la viande avariée et haram qu'il consommera en mangeant la chair de l'autre. Non, il est bien trop occupé par sa propre personne, par ses défauts, par ses péchés. Et cela l'emmènera à une chose des plus belles, des plus aimées chez Allah Azza wa Jal, at-tawbah. Al-Nadam, al-Istighfar, Muhasabatun Nafs, Islahun Nafs, Taharatul Qalb. Ça la menera au regret, à la demande de pardon, à la correction de sa personne. Il fera ses comptes et il verra ses péchés comme une montagne face à lui, craignant qu'elle s'écroule sur sa personne. On lui fera également oublier ses maladies du cœur, ses douleurs. Alors il ne pensera même pas à se soigner. Il ne pensera même pas à se soigner. Ça, c'est le chemin de la perdition. C'est le chemin de la perdition. Quelle est la cause? Les péchés. Comment voulez-vous qu'il se soigne alors qu'il ne se voit même pas malade? Il ne pensera même pas aller au médecin, il ne se voit pas malade. Son corps est mort parce que son cœur l'est. Ainsi, la blessure ne lui fait plus rien. Et que pourrait faire la blessure sur un corps mort? Et quelle punition plus grande que d'être abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Lorsque celui qui est simplement sévère te punit, il n'y a pas à s'étonner. Mais quand le plus miséricordieux des miséricordieux, quand celui dont la miséricorde a embrassé toute chose, quand celui dont la miséricorde a embrassé toute chose se met en colère contre toi, wallahi, ça n'est pas une simple affaire. Il t'abandonne, il te délaisse. Allahu Akbar. Ainsi, la personne oublie d'agir pour affranchir son âme, oublie d'agir pour obtenir son bonheur. Elle reste comme cela, assise sur son siège, incapable, handicapée réellement. Ça, c'est le vrai handicap. Wallahu al-musta'an. Et malheureusement, elle ne se réveillera que yawm at-tarabu, le jour de la grande perte. Le jour de la grande perte. Ces gens qui ont fait faillite pensaient obtenir les plus grands bénéfices, pensaient être les plus riches dans ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, ils verront qu'en réalité, ils étaient les plus à plaindre, ils étaient les pauvres, les besogneux par excellence. Il ne faut donc pas vendre son bas monde, il ne faut donc pas vendre son au-delà pour ce bas monde. Allah nous dit « Oulaïka alladhina ashtaru al-hayata ad-dunya bil-akhira fala yukhaffafu anhum al-adhab wa la hum yunsarun » Dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. » Donc il faut avoir une base, c'est notre din, il faut le préserver. Ces gens-là, lorsqu'ils vont arriver au Al-Qiyamah, ils auront pensé n'être restés qu'un temps dans ce bas monde. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَلْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Dans Sourate Yunus, Allah Azza wa Jal nous dit que le jour où il les rassemblera, ça sera comme s'ils n'étaient restés qu'une heure du jour. Et ils se reconnaîtront mutuellement. Dans beaucoup de passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre cela. Certains penseront être restés que 10 jours, d'autres qu'une heure de la journée, et ainsi de suite. Donc il faut utiliser notre temps dans ce qui est bon pour nous. Se diriger vers Allah Azza wa Jal, afin qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Parce que la pire chose, c'est qu'Allah nous abandonne. La pire chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous abandonne. Donc le serviteur doit s'éloigner des péchés de peur de tomber à ce niveau catastrophique, tomber chez Allah subhanahu wa ta'ala et ne plus avoir de place chez lui. Quant à celui qui est proche d'Allah, Allah azza wa jal, chaque jour lui permet de chercher sa science, de l'appliquer, de chercher sa subsistance. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, fixait ses trois objectifs au quotidien et demandait à Allah Azza wa Jal, chaque jour après le Fajr, « Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. » parmi les effets dévastateurs des péchés. Les péchés enlèvent les bienfaits présents, repoussent les bienfaits futurs et coupent les bienfaits passés. Il n'y a rien qui amène plus les bienfaits d'Allah que les bonnes œuvres. Il n'y a rien qui les repousse plus que sa désobéissance. Allah Azzawajal a rattaché chaque chose aux causes. Ben, les causes des bienfaits sont l'obéissance d'Allah Azzawajal, les bonnes œuvres. Et les causes du contraire, les péchés. Les péchés. Parmi les effets dévastateurs des péchés, le fait que ça éloigne le serviteur de son maître. Ça éloigne le serviteur faible, pauvre, besogneux de son maître, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah azza wa jal s'éloigne du serviteur, les anges s'en éloignent. Donc parmi les punitions dues au péché, le fait qu'on éloigne de l'homme ses alliés les plus bénéfiques, comme les anges. Et si les anges s'éloignent de lui, qui va s'approcher de lui? Les shayatines. On éloigne les conseillers. Les gens ne veulent plus le conseiller. Les gens ne veulent plus le conseiller. Les gens ne penchent plus vers lui. Les gens n'ont plus d'empathie vers lui, de miséricorde. Et l'abandonnent à cause de son comportement. Quant à ceux qui le trahissent, quant à ceux qui ne le conseillent pas, eux vont se rapprocher de lui, à commencer par les shayatines. Il remplacera la bonne compagnie par la mauvaise, la bonne écoute par la mauvaise. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et certains disaient, lorsque le fils de Adam se lève, ou arrive au matin, les anges et les shayatines attendent. S'il commence sa journée par dhikrullah, par l'adoration d'Allah, les anges se rapprochent de lui et les shayatines s'éloignent. Dans le cas contraire, c'est le contraire. Ses alliés, si tu es sur la voie droite, ses alliés viendront t'aider au moment où tu en auras le plus besoin. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Fussilat? إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se maintiennent sur la droiture, les anges au moment de la mort descendent sur eux successivement. N'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Mais recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos alliés dans la vie présente et dans l'au-delà. Ainsi, il est orienté par qui? Par les anges qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ils ne vont qu'être avec toi de bons conseils, t'orienter vers le bien. Quelle meilleure compagnie que les anges? Quel meilleur soutien que les anges? Quelle meilleure aide que les anges? Quelle meilleure compagnie dans la... Et elle est au moment de décéder. Au moment où elle s'apprête à entrer dans sa tombe et elle se sépare de sa famille. Quant à tes enfants, ils vont se disputer l'héritage. Quant à la femme, elle se remariera. Mais l'ange, là, il vient, il t'apporte ce soutien. N'aie pas peur pour ce qui va arriver. Tu te diriges vers un Seigneur, pardonneur, miséricordieux. Ne sois pas triste pour ce que tu as laissé. C'est Allah Azza wa Jal qui les préservera et leur donnera leur subsistance. Donc, ça t'éloigne du bien. Ça te rapproche du mal. Wallahu al-musta'an. Et dans le hadith, Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé deux hommes se disputer. Un insultait l'autre et le deuxième ne répondait pas. Au bout d'un moment, il a répondu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé. L'homme s'est étonné, lui a dit, « Ya Rasulallah, lamma radattu alayhi ba'da qawli qumt. » Lorsque j'ai répondu à certaines seulement de ces paroles, tu t'es levé. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, « Kana al-malak yunafi'u ank. » L'ange te défendait, mais lorsque tu lui as répondu, le démon est venu et je ne m'assois pas avec un démon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est un hadith azim. Quand tu te préserves et tu fais attention, c'est les anges qui te défendent, subhanallah. Les anges qui porte le trône invoque en ta faveur. Fa'fir lilladina tabu. Ils invoquent le pardon d'Allah Azzawajal pour toi. Quand tu fais dua pour ton frère en son absence, pour ta soeur en son absence, les anges disent Amin et font dua pour toi. Allah Azzawajal te met, yani en bonne compagnie. Donc on doit respecter cette compagnie. On ne doit pas pécher pour ne pas manquer de pudeur face à cette compagnie. Surtout les anges gardiens qui veillent sur nous et les anges qui notent ce qu'on fait. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. De nobles anges qui inscrivent vos faits et gestes et qui savent ce que vous faites. On doit être gêné de les voir écrire ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les effets dévastateurs des péchés, le fait que ça cause la perte du serviteur. Ça cause la perte du serviteur. Les péchés détruisent le serviteur, car ce sont des maladies. Et plus elle s'impose, plus il est proche de l'arrêt de son système immunitaire. Ainsi, ça le tue. De la même manière que le corps qui n'est pas en bonne santé, une simple nourriture peut l'aider à garder des forces, et une simple nourriture qu'il ne devait pas consommer peut le détruire. Pareillement pour le cœur. On peut être dans l'obligation de le mettre à la diète pour qu'il ne consomme pas ce qui va le détruire, et c'est les péchés. Et on peut être dans l'obligation de lui apporter, d'apporter à ce corps, à ce sang, les minéraux nécessaires, les nutriments nécessaires, et ça c'est dhikrullah, c'est tauba, c'est l'istighfar. On peut être dans l'obligation de faire un lavage de l'estomac, et ça c'est le repentir. L'arrêt des péchés. Wallahu al-musta'an. Pour finir, le serviteur se doit de se rappeler qu'il a été créé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit se rappeler que les péchés sont exactement à l'inverse de ce pourquoi Allah Azza wa Jalla l'a créé. Il doit se rappeler que s'il ne cesse pas les péchés, ça va sceller son cœur. Il ne distinguera plus le bien du mal. Ça va l'alourdir dans l'obéissance, il ne réussira plus à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur deviendra sourd, muet, aveugle. Il ne pourra plus faire le bien. Et certes, ça n'est pas la vue qui devient aveugle, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ comme dans Sourate al-Hajj. Et est-ce que Ibn Umm Maktoum, ça lui a nui d'être aveugle? Non, c'est devenu le mu'adhin du prophète alayhi salatu wassalam. Mais d'autres sont aveugles, bien qu'ils soient clairvoyants. Il nous faut un repentir sincère. Il nous faut revenir vers Allah Azza wa Jal et cesser de se donner des excuses et de dire je n'arrive pas et de dire ceci et cela. Toutes ces excuses, elles ne serviront à rien yawm al-qiyam. Il faut agir, il faut se lever, il ne faut pas rester incapable, faible, victime du shaitan enchaîné par les passions. Hada, wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اغفر لعلمائنا واشفهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وافق احياهم يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وفني. La parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat al-Nahl, le verset 97, sur la traduction des sens de ce dernier. Quiconque fait de bonnes œuvres, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous le rétribuerons en fonction des meilleures œuvres qu'il faisait. Voici le chemin de la réussite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.